Chacun son chapitre, chacun son tome. Chacun grandit avec ses hématomes. Maman, tu sais combien je t'aime, papa aussi. Avec vos larmes, on peut remplir un océan. Ce soir, j'ai bossé en pensant à toute ma vie. Mon père, je l'ai rendu fou, mais là, c'est mon meilleur ami. On n'a rien fait comme les autres. Aujourd'hui, je ramène ma femme à ma mère pour lui demander son avis. J'ai son approbation, et là, du coup, ça marche. Et c'est pour ça qu'avant, je faisais que de rater les marches. Je faisais que tomber, car j'étais loin de ses conseils. Et lorsque l'on se blesse, forcément, tu sais qu'on saigne. Et puis, c'est du poison avec lequel on se soigne. Quand les problèmes s'approchent, des fois, le cœur s'éloigne. La rue, la nuit, danger, la banaliser. Les cris, j'ai tiré, j'ai mal visé, des fois j'ai bien visé. Ça peut aller très vite, c'était pas avisé. Souvent malade, je traînais l'hiver. Dans le froid, je cherchais le bon plan qui allait nous mettre à l'abri. Mon ami, ça ne viendra jamais, c'est ce que j'ai appris. On a pris quelques fois, mais on a payé le prix. Mais c'est très cher, et même trop cher. Tu peux pas comprendre si la prison t'en a vu que la brochure. J'étais un enfant bon, avec des parents bons. C'est les épreuves qui m'ont marqué, m'ont changé à vie. Comme un schlag par une dose qui a volé son ami. J'étais perdu par une cause, je pouvais mourir pour ma ville. Peu à peu, nous étions des chiots devenus des piranhas. On a grandi au milieu des calibres, on fait pas tir à l'arc, rien dans les poches. J'ai quitté l'école très tôt avec des mecs, compagnons de galère, ce qu'on appelle des poteaux. Forcément, j'allais tuer l'ennui et j'allais voler à Philippines. Ou dans ma chambre, souvent je m'isolais. J'avais l'impression ou le sentiment qu'il n'y avait pas d'intention. Ou très peu, mes parents taffaient, se mettaient la pression. Je me faisais des films, ceux d'un gosse qui ressemblait à un adulte. Je me suis mis à rêver pour la thune. J'ai fait le tour de Paris à pied ou en bus de nuit. Au fur et à mesure que la nuit passait, y avait plus de pluie. J'ai volé, j'ai cambriolé, des fois j'ai racketté. Tu connais la banlieue qui descend à Paris. On a mis des bananes, c'était pour la survie. Beaucoup d'erreurs qui nous ont pas mal suivi. J'écoutais intouchable, je me sentais intouchable. J'étais petit maigre, malgré ça j'avais du charme. J'étais en foyer, placé à Chambéry. À la fin on a tous fini à Fleury. J'aurais pu être bien gâté par la vie. J'avais tout gâché comme Sabina Seri. Repris les cours, passé le BEP en prison pour mineur. Trop nerveux, il me faut pas un psy, il me faut un démineur. J'ai passé un an, j'ai passé deux ans. J'ai passé cinq ans, j'ai passé huit ans. Y'a un déloquant, une vie délinquant. Laissez passer le temps, je claquais plus le temps. T'avais rendu à longtemps, j'ai pas demandé autant. J'ai pris de l'âge, j'observe comme un orang-outan. Je suis comme une petite ville qui combat contre l'OTAN. Avant d'être la crime, souvent j'ai dormi sur un banc.